This is you de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Ok, oui, t'es le contrebalancier de moi qui est beaucoup trop excité dans l'intro de cette émission-là. Ton hémisphère droit de ton cerveau, Mathieu. L'hémisphère droit. À vous? Ah oui, je sais pas, c'est-tu le côté artistique ou le côté concret et terre-à-terre, ça? Je pense que c'est le côté concret et terre-à-terre. Attends, je vais aller voir. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Je sais pas. Je suis ton cerveau grand complet. C'est mon cerveau central. Donc, semaine du 26 septembre au 1er octobre, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des semaines d'une semaine. Ça a peut-être été des deux semaines, des trois semaines depuis le début de l'été. On avait des portions d'un mois, d'un mois et demi. Ça finissait plus d'être long. Donc là, on est de retour avec des semaines. Et ça va être comme ça à chaque semaine pour la session d'automne. Est-ce que tu as trouvé ce que je cherchais? Non. Non. Super. Ouais. La recherche est efficace. Je sais. Donc, on a trois heures ensemble pour entendre la meilleure musique que c'est quoi à vous offrir. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours Yes I Know de The Pack 80. Et du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir si c'est toujours Fred Fortin avec Gratte. Mm-hmm, mais avant de se rendre au sommet, il faut passer par le fond, c'est-à-dire les nouvelles entrées. Du côté anglophone, il y en a quatre. Plus tard, il y aura Royal Canoe, un retour pour ce groupe que j'adore. Crystal Castles, Tunes, ainsi que Hot Panda. Et du côté francophone, eh bien, on va avoir cinq nouvelles entrées, entre autres avec Podcast, les Sœurs Boulées qui reviennent au palmarès, La Bronze qui revient elle aussi, Clo Pelgag et Moussette. Génial, commençons par les 20e places, tiens. Du côté anglophone, ce sera Hot Panda avec la pièce titre de leur album, le plus récent, Bad Pop. Et du côté francophone, eh bien, je l'ai dit avec Podcast, voici Loup-Garou. Ah, oh, ça va se plaindre là-dedans? Oui. Tu penses? Un peu. C'est sûr. Loup-Garou. En pleine lune, coureur sans départ, buveur sans comptoir, le soir de semaine. Oh, oh, oh. Le diable en quarantaine, je viens à toi. Connaîtras-tu? Je gagne à être perdu de temps en temps. Oh, oh, oh. Sans camouflage lent. pleine lune. J'étais bout de miroir. Donne-moi ma peau. La voix basse sans me croire, et je viens sur toi. Fin! Nouvelle entrée. Tard pour essayer. nouvelle entrée. J'adore ça, Toons, avec Mind Over Matter. Parlons un petit peu de Toons. C'est un groupe, un super groupe en fait canadien, composé de Mike O'Neill, qu'on connaît de The Inbreds, Chris Murphy de Sloan, Matt Murphy de Super Friends. Ils sont formés en 2015. Donc, ça s'appelle Toons. Le nom du band est une référence à l'Université Technical University of Nova Scotia. Ah ouais. Donc, j'imagine Toons, non Tons. Probablement. J'aurais tendance à dire Toons. Ouais, moi avec. Ouais. Et du côté francophone, eh bien, en 19e, on a entendu La moitié de toi qui dort des Sœurs Boulées. Donc, on l'a dit, ils refont leur entrée au palmarès. Mais c'est quand même un groupe, hein, deux sœurs qu'on a déjà entendu plusieurs fois au palmarès et qui, c'est ça. Et qui se plaignent. Et qui se plaignent. Beaucoup. Tout en fait, du côté franco, c'est pas mal plein dans le début de l'émission. En 20e place, du côté anglophone, c'était Hot Panda avec la pièce titre de l'album Bad Pop. Ça, c'est un groupe canadien indie rock formé en 2006. Ils viennent d'Alberta, mais ils sont basés à Vancouver. Et du côté francophone, eh bien, c'était Loup-Garou du groupe Avec Podcast. Avec Podcast qui va être au Satire, la salle de spectacle de Trois-Rivières, entre autres, pour l'ouverture de la 10e édition du Festival de poésie de Trois-Rivières. On a collaboré avec le Satire pour le lancement trifluvien du nouvel album d'Avec Podcast. Donc, le spectacle va être précédé du dévoilement de l'album. C'est 17h. C'est gratuit. Par contre, le spectacle, lui, à 20h est coûtant. Donc, allez voir les informations sur la page Facebook d'Avec Podcast aussi, ou du Satire directement. Et sachez-le, c'est réservé aux 18 ans et plus. Parce qu'il y a de la mouille. Exactement. On fait pas ces références. Si on... Non, Mathieu. Position numéro 18, tiens. Du côté anglophone, on parle de Crystal Castles. Eux aussi sont de retour. Leur album s'appelle Amnesty et la pièce est Concrete. Et du côté francophone, eh bien, c'est Moussette avec Insouciance. Parlant de Concrete, t'as trouvé la réponse sur les hémisphères gauche et droit. Le côté qui est concret, le côté qui est plus artistique. Exactement. C'est quoi la réponse? En fait, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère qui met l'accent sur le visuel et ça traite les informations de manière intuitive, simultanée. Et ça considère d'abord l'image en général, puis ensuite les détails. Ouais. Et l'hémisphère droit, bien, lui, il va mettre l'accent sur le verbal. Ça va traiter les informations de manière analytique et séquentielle. Donne-nous l'exemple que tu m'as donné tantôt, Aaron, qui était parfait, je trouvais. Oui, bien en fait, sur le site que j'ai trouvé, le meilleur exemple, c'est comme quand les gens donnent des indications pour tourner quelque part ou pour se rendre à un endroit. Donc, si on y va du côté de l'hémisphère gauche, ça va prédominer en décrivant le chemin comme avec les bonnes informations. Donc, dirige-toi vers l'ouest. Je comprends déjà pas. C'est ça. Traverse 3 blocs, puis tourne sur la rue Vine. Puis, vous allez poursuivre pour 3 ou 4 kilomètres. Vous allez tourner vers l'est sur la rue Broad. Moi, je suis zéro comme ça. Zéro. La personne qui est du type hémisphère droit, elle, va décrire les chemins comme ça. Tourne à gauche en pointant vers la direction, ouais, bien évidemment. Après, tu vas tourner à l'église en pointant encore vers le chemin. Continue après le McDonald's. Continue après le Walmart. C'est tellement plus facile, évidemment. Écoute, à la lumière, tu vas tourner à droite en direction de la station SO. Il n'y a rien de plus clair que ça. C'est parfait. Je comprends même pas comment tu peux penser autrement que ça. Mais c'est ça l'idée. On est chacun du même hémisphère, apparemment. Mais il faut croire, hein? Et il faut croire que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est comme les droitiers et les gauchers qui pensent exactement à l'envers, souvent. Hein. C'est vrai? L'un de l'autre. Donc, probablement que les gens ou que leur hémisphère gauche est plus prédominant, c'est des gens plus cartésiens que les hémisphères droits. Eh bien, peut-être. Voilà, donc on avait dit les positions 18. Tout à l'heure, Crystal Castles, mais tout de suite, voici Moussette. Avec Insouciance. Insouciance. On s'en fout en tant qu'on se rend à la bonne place. Hein, ça exactement. Tourne à gauche, allez ça. Puis on se rend à C'est fou 89. Hein? C'est pas évidemment. Dans la marche. De jeunesse. l'asphalte, tu poses une icône. Les singes, serpents, sentent le feu et dans un ruisseau. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89. Désolé. Nouvelle entrée. Castles, la pièce Concrete sur leur album Amnesty. Crystal Castles, c'est un groupe électronique expérimental formé en 2003 à Toronto par Ethan Cat. En avril 2015, alors, il y avait une nouvelle pièce, Frill, avec une nouvelle chanteuse, Edith Francis, et c'est elle maintenant qui continue pour le quatrième album de Crystal Castles qui s'appelle Amnesty, entre parenthèses, One. Oh, ouais! Du côté francophone, eh bien, c'était Insouciance de Moussette, un band de Montréal qui est composé de Nicolas Moussette, Michel Moussette, Joël Hervé-Vaudreuil, Pascal Dumont-Julien, avec aussi spectacle plusieurs autres. Alors, un band quand même qui est pas pire. On a entendu ça ce matin dans l'émission Assemblage Ricky. C'est très, très bon. Moussette, j'étais sûr que ça faisait référence aux petites moussettes que tu utilises pour te savonner dans la douche, mais apparemment, c'est leur nom de famille pour vrai. Je savais pas. Ouais. Mais là, j'ai trouvé que Moussette, ça se plaignait pas bien, là. Non, francophone, cette semaine, c'est la mode de se plaindre. C'est pas juste cette semaine. Donc, on a entendu depuis le début de l'émission avec podcast que les sœurs Boulay et dans le prochain bloc, ben, ça va se plaindre juste un petit peu. Juste un petit peu, il faut qu'on continue la tradition. C'est ça. Du côté anglophone, tout à l'heure, suivra un de mes bands préférés des dernières années, Royal Canoe, avec leur nouvel album Nevado et la pièce Summer Soul, c'est la dernière du côté anglophone. Du côté francophone, eh bien, on va entendre Claude Pelgag avec Samedi soir à la violence. On écoute ça tout de suite, badaboum, badabing, ce sera pas très violent comme chanson. Non, vous allez voir. Contrairement à la chanson qui vient de jouer, Crystal Castles, qui était très violente. C'est très, très différent. J'entends souvent cette voix. Ou pas massif. 89 FM. Celle qui habite en toi. Je les entends toujours, tu vois. Tes éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si ta mémoire se noie, sauve-moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si la lumière te voit, sauve-toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi. Si ta mémoire se noie, sauve-moi, sauve-moi. S'il te plaît.

C'est un plat qui se mange dans les yeux tout droit. Et l'ivresse me fera l'amour des anges sans arrêt cette fois. Ton existence est une grande victoire pour l'humanité. Amène ta pensée en offrant des gloires à la mondanité. Mangez nos cœurs, ils repousseront à l'infini. Prenez tout ce que je suis et ensemble on pourrait vivre. Avec manger nos cœurs. Carlin, ça fait du bien d'entendre encore une autre pièce de la bronze. Je me rappelle, la semaine passée, à la même heure environ, on disait qu'on avait deux pièces dans le palmarès de c'est la vrai? Bronze. Encore une fois. Et c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes deux pièces. Il y en a une qui est la même, mais l'autre qui est plus la même. C'est ça. Il y en a une qui est partie. Ben oui. Nous, on y va à coup de deux. Oui, l'ancienne est partie, la plus récente a monté plus haut dans le palmarès. Et là, une troisième pièce fait son entrée, mais c'est rendu qu'ils sont deux. Hein? C'est ça. T'as bien expliqué ça, Mathieu. Ben, en termes de médailles, ça ferait qu'il reste juste l'argent et la bronze. Oui! Pas encore d'or pour l'instant. Du côté anglophone, juste avant, notre ami La Bronze, on a entendu la. Enfin, on a sauté par-dessus. Supermoon avec Witching Hour qui descend de 6 places. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Clopel Gag samedi soir à la violence qui est une nouvelle entrée en 17e francophone. Et entre les deux, on avait Royal Canoe avec Somersault, la dernière entrée du côté anglophone en 17e place sur l'album Nevada. Nos amis de Royal Canoe, c'est un groupe canadien de indie pop. Ils viennent de Winnipeg et de Steinbeck. Est-ce que tu connais Steinbeck? Non. C'est au Manitoba. Ah! Belle formée en 2010 à partir de d'anciens membres. En fait, non pas d'anciens membres, de membres des groupes manitobains The Waking Eyes, The Liptonians et Tielly. Ouh, quand même! Maintenant, ben, comme j'ai dit, on avait sauté par-dessus Supermoon. On va sauter aussi par-dessus les 15e places. En anglophone, on saute Black Mountain. Et elle est stable, c'est Constellations. Et du côté francophone, bien, Mathieu, dis-moi si je me trompe, mais on va sauter par-dessus la 15e, la 14e et la 13e. You are correct, sir. Exactement. Hein? Donc, on va sauter par-dessus les Indiens avec Sauvage. On va sauter par-dessus Catherine avec Compliqué, qui est en 14e. On a descendu d'une place à ce palmarès. Et on va aussi sauter par-dessus l'indice avec Cécile, qui, elle, a descendu de 2e position depuis le dernier palmarès. Voilà, donc on va rester du côté anglophone pour un petit instant. Plus tard, on entendra Person avec Mr. Howard, mais on commence en 14e place avec une pièce qui monte de petit peu du fond du palmarès, la 20e, à la 14e. Donc on y va tranquillement pour la formation des OCs. Oui, avec Plastic Plant. On écoute ça dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Yeah! We'll be right back. Surprise! Du côté anglophone, ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Du côté francophone, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on a sauté par-dessus les 13e, 14e et 15e positions. Oui, et tant qu'à faire, on va sauter par-dessus d'autres choses, les 12e ben oui. et 11e. Rien de moins. Donc, du côté anglophone, la 12e, c'est Weaves avec Candy et 11e, c'est Etoubroussé avec Lascia. C'est elle qui aura la priorité si jamais on a le temps à la fin de l'émission parce qu'elle est jeune. Elle est jeune, puis on aime ça, tu Etoubroussé. Oui. Bon. On saute aussi par-dessus les 12e et 11e positions francophones. Donc, on saute par-dessus Michelot, des gens comme moi, et Chantal Archambault avec Corps étranger. Voilà pour la première heure. On arrive presque à destination. Notre gare nous attend pour nous rendre jusqu'au tunnel du numéro 1. Mm-hmm. Profond, entrer bien, bien profond dedans. Voyons, Tirer le klaxon. point. Ça, c'est un chat. Point, un point. Chat? Attends, ça, attends, j'aimerais que tu refasses. Ça, c'est un chat, Mathieu. Ah, mes effets sonores, c'est ma machine, en fait. C'est pas moi, c'est ma machine avec effets sonores. Ok, c'est ça. Tu sais, à radio, ils ont ça, des pitons. Mais on vient, tonton. Ça, c'est là. Attends. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89,9. C'est la deuxième heure des Panoramas Cifou pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. C'est la portion top 10 de l'émission. On a la portion New Shit en début. Après, on a la portion top 10 et la portion top 5 suivant en troisième heure. Mais ça veut dire qu'on a quand même pas mal de musique devant nous. Et mon Dieu, oui. Oh oui, de station en station, tout le temps vers la même direction. Tout le temps. Et autres images qui veulent pas dire grand-chose. Non. Évidemment. Mais quoi que, c'est un beau petit concept, parce que, tu sais, quand je voulais refaire les logos des Palmarès C'est Fou, c'était, là, je crois, il y a deux ans que j'ai refait le logo le plus récent des Palmarès C'est Fou. Et là, depuis ce temps-là, c'est des escaliers qui montent et qui descendent. Avant ça, c'était juste un fond avec des couleurs oranges. D'accord. Là, maintenant, c'est des escaliers. J'ai pensé à peut-être, la prochaine fois, une grande roue, quelque chose comme ça, un manège. J'ai pensé à un ascenseur. Mais un train, ça pourrait être une bonne opportunité. Ah, ben oui, quand même. On en reparlera. Mais oui, on pourra en reparler. Donc, dixième place. Du côté anglophone, c'est Daniel Romano. Daniel Romano Fafard avec Valérie Leon qui monte de deux places. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Anouar Café de Bleu Toucan, une pièce qu'on a entendue quand même assez souvent. Je dois dire quand même que j'ai fait corriger la faute à Hanoï parce qu'il y a maintenant des trémas dessus. Oui, il y a des trémas dessus. Là, c'est comme une nouveauté. On s'est rendu compte en l'écoutant que ça dit Hanoï qui est le nom d'une ville. Donc, c'est ça. Oui, et voilà. Hanoï Café. Hanoï Café. Palmarès c'est vous. Au 89 FM. Parce qu'il n'y a aucun accent là-dedans, tu ne peux pas vraiment te tromper. Non, c'est ça. Je me demandais s'il y avait des trémas quelque part. Ça mais non. Pas, ça ne se prononce pas non plus en un seul mot, là, genre s'fou. S'fou? C'est. S'fou? C'est Palmarès. C'est comme tes sons de chat tantôt. C'était un chat comme qui s'en foutait, genre un petit peu genre. Ou qui est pris quelque part. Ok. Je vois. C'est un chat qui s'en fout. Oui, tout à fait. C'est comme, tu te rappelles, la vache fancy. Elle fait « mu ». Mu. Thank you. daughter since the second that I saw you. I've been weakening in the knees. There's a reason for my misery, but my baby's often busy, and we probably shouldn't oughta come a walking by the water just to talk and get to know you for the sake to make you fall la la la love me. But it's been saying dark. Be around if we were ever to be found, he'd be a coming after me. And my baby's got my dough and she'll let everybody know, and so we probably shouldn't oughta, cause I think they might have saw ya, and they're gonna tell your father that we're planning to for love. But let me tell you, pretty mama, I just really wanna make you fall la la la la love me. But it's been staying dark. Everybody know that we were gonna make a go of you and me, my little pet. But the thrill we knew is gone, cause everybody played along, and they're so happy for us, dear. And we're the couple of the year. I gotta get me out of here. I wish I never got to know you, and I wish that I could show you just how much I really love you. How I curse the day I made you fall la la la la la love me. But it's been saying dark. Daniel Romano, pour ce numéro 10 qui monte de deux places, cinquième semaine de présence. Du côté francophone, eh bien, c'était Hanoï Café qu'on a découvert avec des tréments depuis peu. De Bleu Toucan en dixième position, ça fait quand même depuis la semaine dernière qu'ils sont stables en dixième place. Ouais, pas grand mot qui ont des petits tréments de même. Non. De moins en moins. Ben, Yanis Oreilles, des Yanis... Patriotes de l'UQTR. Oui, le joueur que j'appelle Roquet Belles Oreilles. Oui, Mathieu, c'est lui. Mais que tu me dis, dis pas sans nom, mais Colin, qu'est-ce qui m'en empêche? Et voilà, c'est quand tu détiens le pouvoir comme ça. Là. C'est moi qui ai les pitons de la console, tu pourras pas m'empêcher de parler. Exactement, t'as bien raison. Et je suis de même, Donc, on était rendu au position numéro 9. Tiens, les choses avancent bien. On va peut-être faire un bloc de 4 dans ce cas-ci. Donc, du côté anglophone, il y aura Pop avec un ancien numéro 1 de là, quelques semaines quand même, qui était numéro 3 très récemment. La pièce s'appelle DVP en 9e anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'est la même chose. Dernièrement, ils étaient en 3e position. C'est les Ghouls avec Coma. Et ça, ben, ça commence en criant, puis ça crie pas mal tout le long. Oui, donc faites attention. C'est des palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Plonger dans le coma. proves there's nothing there. Here's an ancient photograph. You signed it when you didn't care. All of those pieces, they might impersonate me. I know you're different, maybe better than the mystery. Oh, I've seen it before, and I see it all. I see it all, the time and every day and each night. There's so much you change and grow. Popping out from behind your mind. I wish I was staying, not there to mention. No, I was leaving on my way out. And as they say now, I will phone you later. Your Memory qui monte de la 11e à 8e place pour la formation Heaven for Real sur l'album qui porte aussi le nom de Kill Your Memory. Du côté francophone, on a monté de 4 places depuis le dernier palmarès pour Lazare de Fudge qui se retrouve en 8e position. Et ça, c'était pas mal un bloc de 4 places. Donc, on a entendu avant ça Pop avec DVP qui monte de 6 positions. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu Les Ghouls avec la pièce Coma qui se retrouve en 9e place. Ouais, là, on va se calmer sur les blocs de 4. Comme tu peux, on va faire juste un bloc de 2. Ah ouais. On n'a pas fait beaucoup de blocs de 2, une fois, je crois, dans l'émission jusqu'à maintenant. Allons-y avec un autre. Donc, du côté anglophone, ça monte de 7 places. Donc, de la 14e à la 7e, c'est Jay Arner avec Crystal Ball. Du côté francophone, Mathieu, on monte de 13 positions pour Chocolat avec la pièce Les Pyramides. Oh, chocolat! Oh, oh là, ça me fait plaisir, tout ça. Chocolat, Pyramide, tout de suite dans les palmarès. C'est fou! Au 89.1 FM. Oui. Thank you. sur cfou.ca. 89. Avec Crystal Ball, position numéro 7, ça monte de 7 places. Quatrième semaine, quatrième palmarès, l'album s'appelle J2. Du côté francophone, eh bien, ça fait simplement deux palmarès qu'on est là, mais on a quand même fait un saut de 13 positions. On parle de la pièce Les Pyramides du band Le Chocolat. Hey, ben, chocolat. Oui, c'est pas ça. Pas le, mais chocolat. Ben, c'est un chocolat. Ouais, c'est un. C'est du. C'est du, du. Qui n'aime pas le chocolat? Et voilà! Hein? Voilà. Chaque achat a différents degrés, bien sûr. Il y a des degrés trop foncés, mais encore une fois, pas de racisme ici. Ouais. Position numéro 6, Bad Bad Not Good avec In Your Eyes qui descend de 4. Et du côté francophone, eh bien, c'est la bronze, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Toujours la bronze. Exactement, deux performances du côté du palmarès. Elle va être épuisée à la fin de l'émission. Elle est fou! Roi de nous! Oui, au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ouf! Pas facile. C'est un chien. Ah, c'est ça, ok. Trame sur nous, mon dragon. Fume-moi trop. On statue que nous sommes la liberté. Je suis la reine.

good. Avec In Your Eyes, pièce très calme, qui descend de 4 places en 6e anglophone. Et du côté francophone, la bronze, roi de nous. Hey! Là, vous vous dites, mais Colin, il est moins 20 de l'heure suivante qui s'en vient dans le futur, plus ou moins approché dans 20 minutes. Et bon, il était 40, sinon, certains pourraient dire, par rapport à l'heure dans laquelle on vous a situé déjà présentement. Ouais, oui. Et là, il reste encore plein de temps, ça veut dire 20 minutes. Et on a sauté par-dessus plein de choses. T'as bien raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'on n'a pas d'autres chroniques aujourd'hui, on fait juste jouer du palmarès. Donc, on va retourner en arrière, on va faire jouer un bloc qu'on a sauté précédemment, c'est-à-dire le bloc des 12e et 11e. Plus tard, moi, j'aurai Etu Brucé et Weaves. Et de mon côté, j'aurai Michel Haut et Chantal Archambault. Oui, commençons par justement la 12e place francophone. Voici des gens comme moi. Oh. Les palmarès, c'est fou. 89. Non, je ne suis pas folle. J'ai parfois fait erreur sur la personne. On ne déshabille pas un homme aussi facilement que l'arbre en automne. Tu Perdu dans le champ de mes a giant walk over you. Je n'attends par Etou Broussé, position numéro 11. Ça monte de 7 places, deuxième semaine de présence. Du côté francophone, on a entendu Chantal Archambault avec Corps étranger. Mm-hmm. Avant ça, on a entendu aussi les 12e places, Weaves avec Candy qui descendait de la 5e. Et Michelo avec Des gens comme moi. En passant, je dois dire que même si là, l'ordre qu'on a donné est le bon ordre, mais en tant que tel, j'ai involontairement inversé Michelo et Chantal Archambault parce que ça sonne pareil dans mes oreilles. Leurs pochettes se ressemblent beaucoup. Oui, les pochettes se ressemblent beaucoup, leur voix se ressemble beaucoup, le style musical se ressemble beaucoup, et à chaque fois que l'une est dans le palmarès, on dirait que l'autre l'est aussi. C'est vrai. Dans ma tête, il y a un court-circuit, quelque chose, mais bon. Pardonnez-moi! Désolé. Voilà. Il nous reste encore du temps, ça se peut pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais encore du temps. On va entendre une autre pièce, cette fois-ci une très très longue. C'est la 15e place francophone. Oui, c'est les Indiens avec la pièce Sauvage. Elle dure 6 minutes. Ouais. Et 9 secondes et 24, j'imagine, centièmes de seconde. On devrait en avoir assez pour se rendre à la troisième heure. Ça devrait être pas si pire que ça. C'est des palmarès assez fous. Au 89.fm. C'était les Indiens avec la pièce, comment est-ce que ça s'appelle cette pièce? Le Sauvage, en 15e place francophone. C'est la fin de cette deuxième heure. Il nous en reste une troisième, Tania Bonin. Ben oui. On va faire quoi dans cette troisième heure-là? On va jouer les cinq premières positions incroyable. Des deux palmarès. Et notre seul chronique d'aujourd'hui, ailleurs dans les palmarès, s'en vient en troisième heure. Assez. À tantôt. See you soon. BRB. BRB. C'est quoi l'autre? NDR? Je sais pas, mort de rire. Ouais. LOL. LOL. Derrière des palmarès, c'est fou pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2016. Elle s'appelle Taya Baudin. Et lui s'appelle Mathieu Plante. Et c'est la première fois qu'on fait un palmarès qui va avec la semaine en cours. Oui, et t'as bien raison. C'est la troisième émission, on a fait un combiné de 2-3 semaines, un autre combiné de 2 semaines, mais t'étais pas timé avec la semaine. En tout cas, là, on est dans notre semaine. Oui. Dans le sens que. Dans le sens que ça se tient debout. C'est exactement ça, oui. Ça se poigne pas le ventre avec des crampes. Non, exactement. Ça peut aller se baigner. Donc, position numéro 5, c'est la portion top 5 de l'émission. Donc, en anglophone, ben oui, je te jure. C'est l'ancien numéro 1 de Pac 80 avec Yes I Know sur l'album Positive Thinking. Et du côté francophone, eh bien, c'est la dernière 9e position. Donc, on a fait une entrée de 4 nouvelles places pour les passagers avec Te Retrouver. C'était compliqué la vie dans ta je phrase, sais. Mais c'était apprécié quand même. Au moins, t'as dit un petit peu. T'es pas blasé. On dirait toujours pas. Y'a pas personne qui avait remarqué si tu l'avais pas dit. Mais j'aime ça souligner le. Je sais, hein. L'insoulignable. L'insoulignable. Ouais. Au moins, c'est pas l'insouciance. C'est vrai. Thank you. Un autre bloc de 4 pièces comme on les aime, mais ça se termine avec Japanese Girls avec Bully For You qui monte de la 7e à la 4e anglophone. Du côté francophone, eh bien, c'était Hypno Love avec La Piscine qui a monté de 3 positions depuis le dernier palmarès. Avançant 5e anglophone, The Pack 80 avec Yes I Know, lancé numéro 1, donc qui descend de 4 places. Et on a commencé tout ça avec la pièce Te Retrouver des Passagers qui, elle, était en 9e position dans le dernier palmarès et qui est maintenant 5e. Hey, en passant, une petite anecdote comme ça sur Japanese Girls. Une petite histoire. Ça fait quelques semaines que c'est dans le palmarès et on n'arrête pas de dire Japanese Girls et on pense que c'est une erreur et on se corrige en disant Japan Girls. Mm-hmm. Finalement, c'est bien Japanese Girls parce qu'il y a un S, mais nos feuilles manquent le S du milieu, donc c'est pour ça qu'on était confus un peu. Exactement. Mais c'est J-P-N-S-G-R-L-S. Mm-hmm. Japanese Girls, c'est quand même clair. C'est ça? Mm-hmm. Ouais. Bref, on était rendu au 3e place. En anglophone, c'est Annie Scharf avec The Magician qui monte de la 8e. Et du côté francophone, eh bien, c'est la semaine dernière, elle était en 1ère place. Donc, on sait pas qui va être premier cette semaine. Mais en 3e position, c'est Fred Fortin avec Gratte. Dans les palmarès, c'est fou! Gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. Oui, ben oui. Comme ça. Oui, oui. J'ai okay, go. Pensé l'hiver, j'ai pensé la gratte. J'aime penser du temps. C'est l'hiver à gratter tout seul. J'ai dur avec moi, j'ai dur avec la gratte est dure pour moi. Ouais, oui, ça fait dur. Dans un bon bout, c'est un légende.

The keeper of the soul, she's called death. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she is death. She is knocking at your door, don't have to run no more. This day I knew was coming. Wasted all my years with all of my fears. Avec Lady in Gold qui monte de 4 places en deuxième anglophone. Et du côté francophone, ça l'a monté de 2 positions pour Noir Eden. Eden Noir, on ne sait pas de Peter Peter. On ne le sait pas, mais c'est pas grave. Allez, récemment, numéro 1, vous avez entendu un petit avant-goût de la chanson thème parce que j'ai oublié que c'était ça qu'on s'en venait faire. Oh. On va chanter un petit peu parce que oh c'est non, la section c'est ailleurs dans les palmarès. Oh mon dieu, je ne sais plus comment. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Je savais pas qu'il y avait une... Ouais, des fois. Ok. Ouais. Faut avertir! Wow! Ça dépend comment je le file. Ah, c'est ça! Ça vient directement d'en haut, je n'ai aucun contrôle. Tania, on va faire ensemble la section ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone, c'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, ainsi que le top 10 loud. Oui! Donc, en nouvelle entrée, en position 20 à 17, c'est pas mal la même chose que dans notre top 20 anglophone traditionnel, donc Hot Panda avec Bad Pop, Tunes avec Tunes, Crystal Castles avec Anesty et Royal Canoe avec Something Got Lost Between Here and the Orbit. Oui, tout à fait. Top 3. Le top 3, Andy Schulz avec The Party, Blue Pills avec Lady in Gold, puis Holy Fuck avec Congrats. Dans le top 3 des disques canadiens, ça ressemble à presque à ce que tu viens de faire, sauf pour un album qui n'est pas canadien. Donc en troisième, c'est Japanese Girls avec Divorce, ensuite Andy Schulz avec The Party, et en première, Holy Fuck avec Congrats. Deux nouvelles entrées avant le top 3 du côté du top 10 là. Donc en dixième, Hard Charger avec Bad Omens. Et en septième place, The Devin Townsend Project avec Transcendence. Étant donné que le numéro 1 est une nouvelle entrée, je te laisse faire le top 3. Ah mon Dieu, c'est gentil. Eh bien, on retrouve Genetic Error avec Toxic Planet. En deuxième, on retrouve Allegao. Peut-être. Oui, peut-être. Allegao, disons ça comme ça. Proponent for Sentience. Et la première position, c'est Opeth de Source. Et voilà, ce sont évidemment des albums et non des pièces dans non, le cas fait. De ces palmarès-là. Et comme toujours, j'ai choisi quelque chose pour nous titiller un petit peu l'oreille par rapport ouais, à ça. T'as fait ça. Ouais, j'ai choisi quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. C'est la position numéro 21 du top 30 des albums. Donc l'artiste, c'est The Claypool Lennon Delirium. L'album s'appelle Monolith of Phobos. Et on écoute la pièce Mr. Right tout de suite. Oh, Mr. Right. Dans les palmarès, c'est fou. C'est fou 89.fm. C'était le Claypool Lennon Delirium avec la pièce Mr. Right sur l'album Monolith of Phobos. C'est la position numéro 21 du top 30 des albums dans la section ailleurs dans les palmarès. Ça finit. Drôle. Mais c'est le genre de pièce que je sais pas. Je l'aime beaucoup tout en la trouvant gossante par moment et trop longue. Exactement. Tu sais, mais je l'aime. On pourrait sérieusement prendre la fin et la mettre dans un film de science-fiction. Absolument. C'est bizarre. Donc, c'était ailleurs dans les palmarès. On fait ça chaque semaine. Un petit peu trop tôt dans l'émission parce que ça révèle pas mal le numéro 1 quand on dit le numéro 1 du top 30 des albums, du top 3 des disques canadiens. Ah ouais? Tu ne trouves pas que ça ressemble étrangement à notre position numéro 1? Mais non. Mais non. Voyons donc, franchement. Je vois pas de quoi tu parles. Regarde un petit peu plus, un petit peu moins rapidement et peut-être un petit peu plus longtemps. Et peut-être que tu vas comprendre la couleur. Ah ouais? Un peu comme ton crayon qui est en train de sacrer quelqu'un par terre, ton souligneur. Il faudrait pas qu'il te manque une couleur de surligneur parce que sinon tes feuilles seraient incompréhensibles. Définitif. Tu sais, c'est comme on casse pas, on fait pas d'omelette sans casser un œuf. Bon, on colorie pas sans échapper un crayon à un moment donné. Ah, bien vu, bien vu. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand tu te perds en cours de route à chercher tes crayons, tu vas devoir sortir ton GPS, ton comment on appelle ça, tom. Là si tu trompes, tu fais comme comme ça. Soufflet, exactement. Ouais. Mais quand tu réussis à trouver, tu fais finalement « Félicitations, j'ai réussi, je suis allé chercher mes crayons feutres pour dessiner pendant longtemps avec mon homme-là. » C'est vraiment une des pires semaines pour les jeux de mots, hein? Mais je dois avouer que au moins t'as réussi à placer tous les mots dans le jeu de mots. Merci, j'essaie. Contrairement au dernier palmarès, c'était vraiment plus difficile. Mais c'était bon, par contre. C'était un petit peu plus recherché la semaine dernière. Ouais, mais Fred Fortin... Non, je sais que c'est Fred Fortin. C'est pas la plus facile, hein? Ça manque d'inspiration. De Black Eyed Peas. En tout cas, tout ça pour dire que longtemps, on va colorier longtemps avec mes feutres, parce que le top 1 francophone, c'est longtemps. On va colorier en couleur, bien évidemment. Oui. Rien de moins, parce que l'artiste, c'est Mauve. Mauve. Et l'album, l'omelette, on va casser des œufs. Coco. On va faire des cocos. Coco. Parce que l'album, c'est Coco. Ça, c'est le top 1 francophone. T'as vu en plus que je me suis inspiré en temps réel de ton crayon feuille qui a failli tomber. Je sais qu'il a failli tomber. Attends, j'aurais pas dit ça si c'était pas de ça. Je sais, t'as vu ça. Et du côté anglophone, eh bien, si je perds quoi que ce soit, je vais devoir utiliser mon GPS ou si je me perds moi-même, Tom Tom, parce que la pièce, c'est Tom Tom. Mmh? Je vais probablement dire des gros mots qui sonneraient comme Holy Fuck, parce que c'est l'artiste avec l'album Congrats. Et si je retrouve... Ton chemin. Exactement, si je retrouve mon chemin, bien, je vais me féliciter. Voilà. Bravo! L'explication de tous les jeux de mots poche à Mathieu! T'as tout compris, Tania, c'est génial! Donc on y va avec tout de suite le numéro 1 francophone. Voici Mauve avec Longtemps. Ah, c'est fou que de revenir faire ça! C'est les palmarès, c'est fou. Oh, pas vrai? Je vérifie, je t'en viens là-dessus. OK. Longtemps affiné, ma chance longue. jour s'allonge à l'est. T'auréoles du rouge à l'air. Des braises qui saignent. Et longtemps j'ai eu peur des autres, longtemps j'ai cru, mais jamais, non, jamais. position numéro 1 de chaque côté pour la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2016. On vient d'entendre en anglophone Holy Fuck avec la pièce Tom Tom de l'album Congrats. Ça monte de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, c'était Mauve avec Longtemps. Voilà, c'est tout pour les paroles assez fous de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine, les mardis entre 14h et 17h. Après nous, à 19h, ce sera réanimation. Ensuite, on repasse le vendredi entre 17h et 20h. Après nous, deux reprises de réanimation et matière noire. Et finalement, le samedi entre midi et 15h. Restez là pour En Piste avec Tania Baudin. Justement, parlant d'En Piste, ton émission est mercredi à 14h en direct. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, en gros? Exactement, du sport automobile, bien évidemment. Non, mais il y a eu la classique d'automne du côté de Mont-Tremblant. Alors, on va en discuter, ça c'est sûr et certain, mais on va aussi discuter de bien d'autres choses qui se passent un petit peu partout dans le monde de la course automobile et de l'automobile. Mercredi 14h en piste avec Tania Baudin. Moi, je trouve Mathieu Planchot à 15h les mercredis. On se retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire Black Mountain avec Constellations. C'est la position numéro 15 stable. À la semaine prochaine. Bye. Bye.